إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous entamons inshallah le dernier cours concernant ce séminaire de romans de l'ouvrage du grand savant Cheikh Dr Al-Allama Salih ibn Sa'd Al-Suhaimi hafizahullah ta'ala, qui s'intitule Mudhakkiratun fil Aqidah. Le Cheikh hafizahullah nous dit deuxièmement, لِمَاذَا نَدْرُسُ هَذَا الْبَابِ, pourquoi nous étudions ce chapitre, cette matière qui est الشرك, le polythéisme. الشرك أعظم ذنب عصى به الله عز وجل أو عصي به الله عز وجل وخطره عظيم وهو أخفى من دبيب النمل، ولذلك تتعين على كل مسلم أو يتعين على كل مسلم معرفته حتى يسلم منه وليكون على بينة من أمره ويتحصن من الوقوع فيه. وهناك أسباب كثيرة تحملنا على دراسته أو تحملنا على دراسته، نلخصها فيما يلي. Le polythéisme, c'est le plus grand péché avec lequel on désobéit à Allah Azza wa Jal. Son danger est énorme et il est bien plus subtil que la petite fourmi sur une pierre ou un rocher sombre dans une nuit sombre. Vous avez vu une fourmi, comment c'est petit, elle est noire de couleur, sur un rocher sombre, dans une forêt dense, dans une nuit sombre. On ne le voit pas. Eh bien, imaginez-vous le danger du polythéisme. Et c'est pour cela qu'il est un devoir pour chaque musulman. Et cela implique chaque musulman de le connaître pour en être à l'abri. Et pour que la personne, elle soit sur une clairvoyance de sa religion. Et pour qu'il se fortifie contre. Et il y a beaucoup de causes ou de raisons qui nous poussent à l'étudier. Nous allons les résumer dans les points qui vont suivre. Hamza, petit a. أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أخبر بأن الشرك سيقع في هذه الأمة. Il y a le fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas de par sa passion, il nous a informé que le polythéisme va être commis dans cette communauté. Le polythéisme touchera cette communauté. Wa annahu sawfa yujad man ya'budu al-awthan wa yatba'u sunana al-mushrikin al-awwalin. Et que le prophète nous a aussi informé qu'il y aura dans cette communauté des personnes qui vont adorer les idoles et les divinités. Il y aura des personnes qui suivront les traces et les traditions des premiers polythéistes. وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة. Et il y a eu beaucoup de hadiths rapportés à ce sujet. نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم. Parmi ces hadiths, nous citerons la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى متفق عليه رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la nuit et le jour ne disparaîtront pas jusqu'à qu'il y ait des gens qui viendront adorer Al-Lat et Al-Uzza. Et Al-Lat et Al-Uzza sont parmi les grandes divinités adorées par Quraysh à l'époque pré-islamique. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: la taqumu as-sa'ah حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان أخرجه أبو داود رحمه الله. Et dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit: l'heure ne viendra pas, l'heure ne sonnera pas jusqu'à qu'il y ait des groupes ou des tribus de ma communauté qui rejoindront les polythéistes, et jusqu'à qu'il y en ait qui adoreront les idoles et les statues. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan رحمه الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Dans ce hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام dit: vous suivrez les chemins, les traditions de ceux qui vous ont précédé. Vous serez tellement proche d'eux que vous serez derrière eux d'une distance d'un empan. C'est la distance qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire, le petit doigt. Derrière eux, d'une distance d'une coudée. Là où ils vont, vous êtes derrière eux, vous n'êtes pas loin d'eux, vous les suivez. Ce qu'ils font, vous le faites. Même s'ils viennent à entrer dans un trou d'une taupe, vous y entrerez aussi. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa hadith ukhra kathiratun la yumkinu hasruha fi mithli hadha al-maqam. Et plein d'autres hadiths qu'on ne peut amasser vu que le temps ne le permet pas. وَقَدْ تَحَقَّقَ مَا أَخْبَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا نُشَاهِدُهُ فِي زَمَانِنَا هَذَا مِنْ انْحِرَافِ بَعْضِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمُ الْحَقِّ وَتَعَلُّقِهِمْ بِأَصْحَابِ الْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَةِ وَالْعُكُوفِ عِنْدَهُمْ وَتَقْدِيمِ الْقَرَابِينَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et ce que le prophète a annoncé, l'information qui nous a été donnée par le prophète, alayhi salatu wa salam, tout cela s'est réalisé dans notre époque, et on le voit bien dans les déviations et les égarements qu'on retrouve chez certains musulmans qui ont dévié de leur véritable religion lorsqu'ils se sont attachés aux morts, qui sont enterrés dans leur tombe, ils se sont attachés à leur mausolée et ils ont pris position dans ces endroits et ils sont venus dans ces endroits avec des offrandes comme présent pour ces morts, pour ces divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, on le voit. Tous ceux qui vont dans des pays musulmans, qui vont surtout dans les anciennes villes, dans les villages, dans les montagnes, un peu éloignés, et ils trouvent des mausolées avec des coupoles. Soit c'est une mosquée, en même temps, il y a l'interdiction d'entrer, de prier dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe. Interdiction de construire une mosquée sur une tombe et interdiction d'introduire une tombe dans une mosquée. Bien que le premier, il est pire que le deuxième exemple. Parce qu'à la base, une mosquée, il n'y avait pas de problème. On a introduit une tombe pour ressortir cette tombe. Alors que construire une mosquée sur une tombe, ça c'est encore pire. Mais dans tous les cas, tout cela ne sont que des actions interdites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les juifs et les chrétiens qui prenaient les tombeaux de leurs prophètes et de leurs saints comme lieux de prière. Et ils construisaient des lieux de prière sur ces tombeaux. Et le prophète a dit, ils sont maudits. Et il a prié Allah que sa tombe ne soit pas prise pour un lieu de prière. Et dans les pays musulmans, c'est par milliers qu'il y a des endroits comme ça, où les gens voyagent, ils y vont en amenant avec eux leurs offrandes, des animaux, de l'argent, des vêtements, tous des bijoux, tout ce qu'ils possèdent. Pourquoi ? Pour les rapporter pour ces divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah. Ils croient en eux, ils ont des convictions en eux. Ils pensent que ce sont des créatures qui participent avec le Créateur dans la gérance du monde. Ils pensent que ce sont des créatures qui connaissent le futur et l'inconnu et qui sont capables de répondre favorablement à leurs invocations et à leurs demandes. Wal'iyadu billah. Et jusqu'à même avoir plus peur et plus de crainte pour ces divinités que la crainte qu'ils ont pour Allah tabaraka wa ta'ala. L'un d'entre eux, il est capable de mentir lorsqu'il jure par Allah. Mais s'il jure par le shirk ou le wali, il ne peut pas mentir. Wal'iyadu billah. Ben, petit B. إن المسلم مطالب بأن يعرف الشر ليحذر منه ويبتعد عنه لأنه إذا لم يعرفه ربما يقع فيه وهو لا يشعر. Il est un devoir pour le musulman. Il est demandé au musulman de connaître le mal. pour qu'il en soit averti, pour qu'il soit à l'abri de ce mal, pour qu'il puisse s'éloigner de ce mal. Car s'il n'a pas connaissance de ce mal, il se peut qu'il tombe dedans sans y faire attention. Et de nous les aller qu'à Paul Hudayfa, radiallahu anhu, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. Et la preuve de cela, il y a la parole du compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman رضي الله عنه qui dit: les gens, c'est-à-dire les compagnons, questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je le questionnais sur le mal de peur de tomber dedans. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Djinn, petit c, Al-Hal wal-Waqi' alladhi wasala ilayhi kathirun min al-Muslimin al-Yawm fala takadu tajidu baladan min al-Bilad al-Islamiyya إلا وفيها مشاهد تعظم وقبور تقدس وينذر لها ويذبح عندها ويستغاث بأهلها وتوقد عندها الشموع وتقام عندها الأعياد ويسألون أهلها قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفى. Une autre raison qui nous pousse à étudier ce sujet important, l'état actuel de la communauté musulmane. Il n'y a pas de quoi être jaloux de la situation de la communauté musulmane aujourd'hui. Alors on ne nous envie pas, parce qu'on est dans une situation très difficile. La communauté se fait du mal à elle-même avec ses propres mains. Avant même de voir c'est la faute d'un tel ou d'un tel, c'est eux-mêmes qui sont les fautifs. Ils se sont éloignés d'Allah, ils ont oublié Allah, Allah les a fait oublier eux-mêmes. Jusqu'à que vous voyez une personne, il n'est même pas capable de prendre sa responsabilité. Il y en a dans nos pays, il a une bouteille de vin, ils disent « Ouais, c'est à cause du gouvernement. » Hey, subhanallah, il t'a demandé de prendre la bouteille. C'est toi qui as voulu prendre la bouteille et boire. C'est à cause du gouvernement, il t'a pris par la main, il t'a dit « Va adorer telle tombe. » C'est toi qui as voulu aller adorer cette tombe, subhanallah. C'est à cause. C'est-à-dire que si on ne me force pas à ne pas commettre de mal, eh bien, je le commettrai. Elle a la responsabilité. C'est ce qu'on appelle chercher un bouc émissaire. Et les gens, ils aiment ça. Comme ça, ils disent, c'est pas de notre faute. Si on est comme ça, c'est pas de notre faute. C'est la faute de l'autre. Donc, tant que les gens ne font pas un bon diagnostic pour après chercher le bon remède, ils ne seront jamais guéris. Et Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à qu'il change ce qu'il y a en un tel, ce qu'il y a en l'autre, ce qu'il y a au gouvernant, ce qu'il y a en eux-mêmes. Comme on dit, tu veux la propreté, commence à balayer devant ta porte. Ouais, l'autre il balaye pas. Avant de regarder les autres, regarde ta porte à toi. Et balaye, commence. Et lui va balayer, et après, tout le secteur lui est propre. Subhanallah. Mais non, ils ne veulent pas, c'est ce qu'on appelle, se sauver de sa responsabilité. Et chacun est responsable de ses actes. Donc, quand on voit la situation de la Ummah, de la communauté, et les êtres humains sont en plein dans l'ingratitude. Allah nous parle de l'être humain. Et Allah, il est notre créateur et il connaît l'être humain. Subhanahu wa ta'ala. Il dit Inna l'insana la zaloumun kafar. Certes, l'humain, il est quoi? Il est injuste et il est ingrat. Il n'est pas reconnaissant. Il renie les bienfaits d'Allah Ta'ala. Il ne pense qu'à ses intérêts. Il ne pense qu'à ses droits. Les droits, les droits, les droits, les droits. Il n'y a pas de devoir, ça n'existe pas. Il n'y a que des droits. Mais les droits que tu réclames à autrui, ce droit que tu réclames, c'est un devoir pour lui. Eh bien, lui aussi, il a un devoir, un droit envers toi. Et ce droit envers toi, pour toi, ça devient un devoir. Il y a des droits et il y a des devoirs. Mais le mot devoir, les gens, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent que les droits. Que dire lorsqu'ils inventent des droits qui sont inexistants? Ouais, normalement la richesse, ça nous appartient. Normalement on doit tout partager. Normalement, voilà, c'est, voilà. Les gens, ils disent pourquoi? Il y a une question de droit. On lui fait croire qu'il a un droit, ça y est, il tombe dans le piège. Il est dedans. Taïeb, qui a pensé au droit du Créateur? Qu'on ne doit adorer que lui seul sans rien lui associer. Subhanallah. Il ne parle pas de ça. Toutes ces tombes et tous ces mausolées qui sont adorés en dehors d'Allah, toutes ces divinités qui sont invoquées en dehors d'Allah, ça c'est le plus grand droit. C'est le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sur ces créatures. Le droit d'Allah sur ces créatures est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs vis-à-vis d'Allah, c'est qu'Allah ne fera pas entrer en enfer quelqu'un qui ne lui a rien associé. Tu as été monothéiste, tu es préservé. Ça, c'est ton droit vis-à-vis d'Allah. D'avoir un droit ta'ala. Et le droit d'Allah, c'est qu'il soit adoré sans rien lui associer. Subhanahu wa ta'ala. Donc tous ceux qui passent leur temps dans des sujets, si jamais ils sont véridiques, ils ont délaissé ce qui est plus important encore et ce qui est prioritaire. Que dire lorsqu'ils se sont adonnés à des sujets qui sont faux? Donc, l'état de la communauté musulmane comptant d'aujourd'hui, rarement tu verras un pays, une région musulmane, sans que tu n'y trouves des lieux rendus sacrés par des gens. Même des villes sacrées. Wal'iyadu billah. Alors que les villes sacrées en islam, on ne les invente pas. La Mecque est une ville sacrée. Médine est une ville sacrée. Al-Najd, ce n'est pas une ville sacrée. Karbala, ce n'est pas une ville sacrée. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est une invention par les chiites. Touba, au Sénégal, ce n'est pas une ville sacrée, ni une ville sainte. Et ce n'est pas un pèlerinage. Ce sont les mouris. Soufis du Sénégal qui l'ont inventé. Ça n'existe pas en islam. Taïeb. Et des tombeaux qu'on a rendus sacrés, pour lesquels on fait des vœux, auprès desquels on immole des bêtes et on recherche secours auprès des habitants des tombes. Subhanallah. Ce qui a été légiféré, c'est prier Allah pour ces morts qui ont quitté cette vie. parce qu'ils sont dans le besoin de nos Torah. Pour qu'à la fin des gens, les invoquent eux en dehors d'Allah. Ils invoquent ceux à qui il nous est demandé d'invoquer Allah pour eux. Subhanallah. Allahu musta'an. Et ils y allument des bougies. Cette mauvaise tradition qui est connue à la base chez les juifs. Certains musulmans l'ont pris et le mettent dans des lieux. On a l'électricité, pourquoi tu vas allumer des bougies? Subhanallah. Si tu as des bougies au cas où le courant il est coupé, soit. Mais l'état de lumière pour allumer les bougies, pour quelle raison? Subhanallah. Si ce n'est parce que les gens ils croient en ces choses-là. Mais d'où ils l'ont ramené de chez les juifs? Je ne sais pas, chez les musulmans. Des traditions de mécréants, pas de musulmans. Et dans ces endroits, ils y accomplissent des fêtes, des festivités inventées, jamais légiférées. Et à titre d'exemple, fêter la naissance du prophète sallam, c'est une bid'ah, innovation. Inconnu dans l'islam. Il y en a pas qui disent, ah mais nos parents ils le faisaient, nos grands-parents ils le faisaient. Tes parents et tes grands-parents, c'est pas le salaf al-salih. Le salaf al-salih, c'est un sujet qui est inconnu chez eux. Même les innovateurs n'ont pas été capables de ramener un texte qui sera considéré comme faux ou faible par les savants, ils n'en ont pas. Eux-mêmes, ils le savent. Et ils reconnaissent que c'est vrai, jamais ça a été fait. Mais ils se sont inventés une règle. On revient à l'histoire des règles. Tout est se relie. Ils ont dit, il y a une règle qui dit qu'il y a des bid'ah hasana. A'oudhou billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toutes les innovations sont égarements. Et des gens après ils viennent disent non, en fin de compte, c'est pas ça. Il y a des innovations qui sont bonnes. Subhanallah. Le prophète il dit ça, et tu oses contredire le prophète. Et ça dit respecter le prophète et aimer le prophète. Subhanallah. Quelle contradiction. Donc ils inventent des règles. Comme un Habesh qui avait dit. Chez nous, en région parisienne, ce qu'il faisait l'adhan, il rajoutait des choses derrière. Et on a eu une discussion, et il m'a dit, je te rassure, on fait des ibadas, nous, on est convaincus que le prophète ne les a jamais fait. Mais c'est une bid'ah hasana. Ça veut dire, ne te fatigue pas à m'expliquer qu'elle n'existait pas à l'époque du prophète. En résumé, c'est ça. Tu te fatigues. J'ai déjà la conviction. Mais nous, c'est une bid'ah hasana. Pour l'iyad billah. Allahu musta'an. Donc ça n'existe pas. Les sahaba, c'était les personnes qui aimaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais ils ont fêté sa naissance. Ça, est-ce que ça nuit à leur amour pour le prophète? Allez, tabi'in, jamais ils ont connu. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimallahu al-jami'a, jamais ils ont connu. Au Maghreb, nous les Malikites, oui, ramenez-moi un récit où l'imam Malik a fêté la naissance du prophète. Ça n'existe pas. Eux-mêmes, ils ne sont pas capables de le ramener. Donc vous êtes Malikites que quand ça vous arrange. C'est comme pour l'histoire du mariage. Non, maintenant, la femme, elle peut se marier d'elle-même. Il n'y a pas besoin de voilé. On a eu ce problème-là. Hein? Et qu'est-ce qu'ils mettent dans le moudawana, comment ils appellent ça en français? Le code de la famille. Le code civil de la famille. Ils mettent que ça existe dans le madhab Hanafi. Ah d'accord, je pensais que j'étais malikite. Maintenant, ça va regarder dans le madhab Hanafi. Zakat al-Fitr. Chez les malikites, ça ne se donne qu'en nourriture. Ça n'existe pas en argent. Les anciens, ils ne connaissaient pas. Dans leur bled, à l'ancienne, jamais ils ont entendu parler de l'argent. Maintenant, ils disent, oui, mais à la télé, on a vu, il y a des chiens qui ont dit, on ne comprend plus rien. Quand nous, on vous ramène le haq, vous nous dites que nous, on ne connaît pas ça. Mais quand quelqu'un vous ramène une bid'a, que vous avez été épargné, et bien là, vous dites, oui, mais il y a des chiens qui ont dit. Soit Allah, il sait, subhanallah, incompréhension totale de ces gens. Comment ils fonctionnent. Subhanallah. Allahu musta'an. Contradiction sur contradiction. Taïe. Donc, 100 ans après la mort du prophète, il n'y a pas 200 ans, il n'y a pas 300 ans, il n'y a pas 400 ans, un groupe de personnes invente la célébration de la naissance du prophète. Des ennemis de l'islam, qu'on appelle les Omeyyades, qui ont pris le pouvoir en Égypte et qui se sont appelés Al-Fatimiyoun, les Fatimides, mensongèrement. Ils ne sont pas affiliés à Fatima. Et ils ne descendent pas de Fatima, dit Allahu anha. Mais ils se sont donné ce titre pour se rapprocher de la masse des musulmans et gagner les cœurs de la masse des musulmans. Et c'est les premiers à avoir inventé les mausolées et les zawaya pour sortir les gens des mosquées pour aller faire soi-disant des adorations dans d'autres endroits. Wal'iyadu billah. Et ils ont inventé la célébration de l'essence du prophète, soi-disant par amour. Et ils ont décrété que quiconque ne le fait pas, il déteste le prophète. Et c'est ce que vous entendez chez les gens. Ne dites pas non, surtout, on le sait, dans nos familles, dans nos bleds, c'est ce qu'ils disent les gens. Vous, vous n'aimez pas le prophète. Cheikh Rabi al-Madkhali, hafizahullah, quand il était enseignant à Médine, et à Médine, il est arrivé que l'Arabie prenne des professeurs étrangers. Et parfois, des professeurs ont été pris pour leur attitude dans la matière qu'ils vont enseigner, mais en réalité, ils cachaient ce qu'ils étaient réellement. Parce qu'il y a quand même un salaire à prendre. Donc, il vient, il peut faire croire qu'il est sur la même voie qu'eux. Alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Cheikh Rabir, il dit, j'étais en voiture, quittant l'université de Médine, et il y a un professeur de Médine, un étranger, je l'ai pris avec moi en voiture. Il est assis à côté de moi, et c'était une occasion pour lui de demander quelque chose. Et il dit, je veux te poser une question. Donc là, ils sont entre collègues, entre professeurs. Il lui dit, dis-moi en vérité, vous aimez le prophète? Subhanallah. Cheikh Rabi a dit, subhanallah. Un professeur, depuis un petit moment, dans l'université islamique de Médine, il nous côtoie, il nous voit, il voit exactement ce qui se passe. Et il voit qu'on prie sur le prophète sallam, qu'on aime le prophète sallam, qu'on suit sa sunna. Mais même en voyant tout ça, il n'y croit pas. Il dit non, en vérité, ils n'aiment pas le prophète. Et il lui pose la question. Cheikh Rabi le regarde et lui dit, connais-tu l'ouvrage qui s'appelle Jala'ul Afham fi fadli salati ala khayri al-anam? Il va dire non. Il a dit ça, c'est un ouvrage de l'imam Ibn al-Qayyim sur les règles, les bienfaits et les mérites et les vertus de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un volume. Il a dit, c'est le meilleur ouvrage écrit dans ce domaine. Puis il lui dit, connais-tu l'ouvrage As-Salim al-Masloul al-Shat al-Rasoul? Il lui dit non. Et il lui dit ça, c'est un ouvrage de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. En deux ou trois volumes, ça dépend des éditions. Il a dit, c'est le plus grand ouvrage écrit dans la défense du messager d'Allah. صلى الله عليه وسلم. Et comme disait Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'en Syrie, un cheikh de là-bas, sûrement soufi, qui disait aux gens autour de lui, en Arabie, ils n'aiment pas le prophète. Et un homme de la masse qui était présent sort. Et Damas, comme vous le savez, c'est la capitale. Et il passe dans un des quartiers de Damas, et il y a la voiture diplomatique d'Arabie Saoudite qui passe de l'ambassade. Avec, devant la voiture, il y a les drapeaux, le petit drapeau de l'Arabie Saoudite. Et il fixe ce drapeau. Et qu'est-ce qu'il va écrire dessus ? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il retourne. Il dit, excuse-moi, tu m'as dit qu'ils n'aimaient pas le prophète. Comment se fait-il que c'est les seuls qui ont un drapeau où il y a marqué Muhammad Rasulullah? Subhanallah. Ça, c'est un homme de la masse. Et il y a une audio qui est touchante. Elle fait pleurer de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et les gens autour de lui pleurent. Lorsqu'on lui dit, il est dit que nous, on n'aime pas le prophète. Et il se met à pleurer. Il dit, Allah, il sait l'amour qu'on a pour le prophète. Et qu'on l'aime plus que nos propres personnes, et plus que nos familles, plus que tout le monde. Et qu'on le fait passer avant tout le monde. Mensonge sur mensonge sur les gens de la vérité. Pour quelle raison? Pour les dérouter de la vérité. Qu'il dise ce qu'il veut, Allah nous suffit comme témoin. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça n'existe pas de fêter, et ce n'est pas une façon de prouver l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne prouve pas son amour pour le prophète en inventant des adorations ou en inventant des fêtes jamais légiférées, des fêtes en plus de cela. Non seulement ce sont des innovations, mais en plus de ça, combien de pervers profitent de ces moments pour leur perversité. Et combien d'actions de mécréance et de polythéisme sont commises pendant ces moments-là. Et jamais de chanter des poèmes n'était un acte d'adoration. Ça, ça a été pris des chrétiens et des juifs, des moines dans leur monastère. C'est eux qui adorent avec, en chantant des écrits qui ne sont pas sacrés. Ça n'existe pas de prendre Al-Burda et de la réciter en chantant. Ce n'est pas un acte d'adoration. De lire un poème, ce n'est pas un acte d'adoration. Subhanallah. Le seul livre dont la lecture est une adoration, c'est le Coran. Celui qui lit une lettre du Coran, il a 10 hasanats pour chaque lettre lue. Ça, c'est propre au Coran. De lire des ouvrages comme ça, de les lire comme ça. Et pour certains, c'est du chinois. Pour dire qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de lire, et ils pensent qu'ils étaient dans un acte d'adoration. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Tout ça, ce sont que des inventions. Que des inventions, jamais enseignées par le prophète, ni par ses compagnons, radiallahu ta'ala, anhum. Que dire, alors que dans un type d'exemple, un bourdin, il y a du shirk dedans, du polythéisme. Lorsque Al-Busayri, l'auteur de ce poème, il prétend que le prophète sallam connaît tout ce qui est écrit dans la tablette bien gardée, préservée auprès d'Allah. Et que tout ce qui est écrit dans la tablette préservée, ce n'est qu'une partie de la connaissance du prophète. Alors que dedans, il est écrit toute la prédestinée, depuis la création, jusqu'à ce que les gens croient dans notre paradis et les gens de l'enfer entrent en enfer. Il dit wa min ulumika, wa min ulumika ilm al-lawh wal-qalam. Et parmi ta science, ta connaissance, il y a ce que la plume a écrit sur la tablette préservée. Et que tout ce bas monde ne nous est parvenu que par lui. ومن جودك الدنيا وذرتها فمدي. والعياذ بالله. العلماء ont répondu et réfuté les erreurs qui se trouvent dans ce poème. Et ils demandent et ils invoquent ces morts pour répondre à leur détresse et les sortir du mal dans lequel ils sont. وَيَظُنُّونَ أَنَّ ذَٰلِكَ يُقَرِّبُهُمْ مِنَ اللَّهِ زُلْفًا. Et ils pensent, en agissant ainsi, que toutes ces actions les rapprochent d'Allah. وَلِكُلِّ عَقِلًا يَتَسَاءَلْ هُنَا مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ يَسْتَغِيثُ بِالْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَيَدْعُوهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَقُولُ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وبين من يستغيث بميت في قبره ويدعوه ويرجوه جلب الخير أو دفع الضر. Et toute personne raisonnable, sensée, est en droit de se poser la question: quelle est la différence entre celui qui demande secours aux statues et aux idoles et les invoque en dehors d'Allah en prétendant qu'il ne les adore que pour qu'elles le rapprochent d'Allah, quelle est la différence entre celui-là et celui qui demande le secours et l'aide aux morts dans sa tombe, l'invoque et espère en lui qu'il lui ramène un bien ou qu'il lui enlève un mal. والجواب, la réponse, أن كل منهما مخلوق فلا يجوز أن يتعلق به من دون الله وهو لا يملك لنفسه فمن باب أولى وأحرى أن لا يملك لغيره كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. Et la réponse est que toutes ces choses qui sont adorées en dehors d'Allah, que ce soit des statues, des idoles, des morts dans leur tombeau, on n'a pas le droit de les adorer, car le point commun qu'ils ont tous, c'est que ce sont des créatures. Il n'est pas permis de se rattacher à eux, alors qu'ils ne possèdent rien pour leur propre personne. Comment pourraient-ils le posséder pour les autres? Et comme il est dit, celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la tenir. لا بد لنا من معرفة الشرك وكشف حقائقه وبيان خطورته. C'est pour ces raisons et plein d'autres raisons qu'il est un devoir, une obligation de connaître le polythéisme et de le démasquer et de démontrer ses réalités et de démontrer son danger. ثالثاً, troisièmement, سببُ وقوع الشرك في العالم, la raison de l'apparition du shirk dans le monde. إن أول شرك وقع في الناس إنما وقع بسبب الغلو في الصالحين. Il est à savoir que la première apparition du polythéisme chez les gens fut causée par l'excès et l'exagération qu'ont eu les gens dans les vertueux et les saints. وَذَلِكَ حِينَمَا يَعُمُّ الْجَهْلِ وَيَقِلَّ الْعِلْمِ وَيَقِلُّ الْعِلْمِ. Et ceci ne peut avoir lieu que lorsque l'ignorance s'est propagée et qu'il y a eu la diminution de la science. يتدخل الشيطان فيزين للناس التوسل بالصالحين وبالتالي يأمرهم بعبادتهم. À ce moment-là, Satan, le diable, le lapidé, il entre chez les gens et il leur embellit leurs actions en leur disant que le rapprochement, la prise d'intermédiaire des pieux et des saints est une bonne chose. Puis, après cela, il les pousse à leur adoration. At-tawassul, on n'aura pas le temps, c'est dommage, parce qu'il y a encore beaucoup de pages, et le Shir va longuement discuter sur cette question-là. En résumé, At-tawassul, c'est un acte légiféré. C'est un acte légiféré. N'allez pas dire à des Habash ou à des Soufis, il n'y a pas de tawassul. Quand on ne connaît pas, on ne parle pas. Et combien ça arrive, des frères font cette faute. Et l'autre, il n'a plus qu'à aller prouver que le tawassul existe bien dans les textes. Et voilà, avec ça, il dit, vous voyez, c'est des gens, ils disent qu'on doit retourner au livre à la sunna, et à la fin, il relit des choses qui sont dans le livre à la sunna. Mais lui, parce que pourquoi? Parce qu'il a entendu parler du mauvais tawassul, et il a cru que le tawassul n'existait pas. At-tawassul, il est légiféré. Mais ce n'est pas le tawassul que eux emploient. Ou les actions que eux, ils appellent tawassul mensongèrement. At-tawassul, c'est ce qu'on pourrait appeler la prise d'intermédiaire. Se rapprocher d'Allah par quelque chose. Et elle est légiférée en trois choses. La première, c'est de faire le tawassul dans l'invocation, en invoquant Allah par le biais de ses plus beaux noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartient les noms les plus sublimes, les plus beaux noms, invoquez-le avec. Comme lorsque tu dis Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghfiruk. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, as'aluka rahmatak. Donc tu appelles Allah et tu l'invoques par ses plus beaux noms. Et ça, c'est légiféré. Et ça, c'est une des formes de tawassul légiféré. La deuxième sorte, c'est d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala, en rappelant une bonne œuvre qui a été faite sincèrement pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme l'histoire des trois hommes dans la grotte, parmi les enfants d'Israël. Il y a eu la pluie, ils sont entrés dans la grotte pour être à l'abri, puis il y a un rocher qui est tombé et il a fermé l'entrée de la grotte. Et l'un a dit aux autres, on ne peut, pour sortir de ce mal, de cette épreuve, qu'invoquer Allah et que chacun se rappelle une œuvre dans laquelle il a été sincère. Et chacun a rappelé une œuvre qu'il a fait pour Allah. Chacun à son tour. En disant, au final, pour Allah, si j'ai fait ça sincèrement pour toi, alors sauve-nous du mal dans lequel on est. Et à chaque fois, la roche, elle a bougé jusqu'à qu'ils ont pu, au final, sortir. Ça, c'est une manière de tawassul qui est légiférée. Là, c'était parce que quelqu'un a travaillé comme salarié chez lui. On rappelle que les siens. Puis, il est parti avant de prendre son salaire. Des années plus tard, cet homme revient. Et il dit à cet homme, tu te rappelles, j'avais travaillé pour toi à tel moment et je suis parti sans prendre mon salaire. Il ne lui a pas dit, non, je ne me rappelle pas. Non, tu es parti toi-même, je ne t'ai pas demandé de partir. Non, il lui a dit, oui, je me rappelle, il lui a dit, ben je viens chercher mon salaire. Il lui a dit, tu vois le troupeau qui est là, là-bas, dans la vallée, tout ça c'est à toi. Il lui a dit, pourquoi tu te moques de moi? Il lui a dit, non, j'ai fait travailler ton salaire. Et tout ça, c'est le fruit de ton salaire. Et il a dit, oh Allah, si c'est pour toi que j'ai fait ça, alors sauve-le. L'autre, il ramenait du lait. Il allait traire ses bêtes et il vient. Il a ses enfants et il a ses parents. Et il vient et il trouve ses parents endormis. Et ses enfants pleurent et ils ont faim. Et il ne veut pas leur donner tant que ses parents ne se sont pas réveillés pour faire passer ses parents avant ses enfants. Et il dit, Allah, si j'ai fait ça pour toi, sauve-nous. Le troisième, il avait une cousine, une belle femme. Il voulait avoir des rapports interdits avec. Cette femme a toujours refusé. C'était une femme chaste. Puis, un jour, elle a été touchée par la pauvreté. Et elle a demandé de l'aide à cet homme, à son cousin. Et il lui a dit, je te donne des pièces d'or à condition que tu me laisses te toucher, c'est-à-dire avoir des rapports. Elle a fini par céder. Au moment où il s'approche d'elle, elle lui dit, crains Allah. En se rappelant de la crainte d'Allah, d'abord, il ne l'a pas touché. Il n'a rien fait. Et il a laissé partir avec l'or. Il a dit, oh Allah, si j'ai fait ça pour toi, sauve-nous du mal dans lequel on est. Puis ils ont été sauvés. Voilà les trois, ces deux façons déjà de tawassul légiférer. Et la troisième façon, c'est d'aller demander à une personne qu'on voit en bien, qu'on pense être proche d'Allah, une personne vertueuse, pieuse, et on lui demande d'invoquer Allah pour nous. Voilà les trois manières d'accomplir le tawassul. En dehors de cela, ce n'est pas un tawassul légiféré. Ces gens, surtout les soufis et leurs semblables, ils sont tombés dans le shirk. Et le shirk, ils m'ont donné comme nom à tawassul. Que ces divinités envers lesquelles ils se rapprochent, en vérité, ils ne les prennent que comme des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Et ils vont appeler ça At-Tawassul. Donc le shirk, ils l'ont appelé At-Tawassul. Puis, ils ont inventé des invocations que le prophète et les compagnons ne connaissaient pas. Oh Allah, je te demande par la place qu'avait le prophète. Je te demande par le haut degré du prophète. Je te demande par la place qu'a auprès de toi tel saint, tel vertueux, de me donner, de me faciliter. Cette façon de faire al-du'a, c'est une bid'a, c'est une innovation. Elle est inconnue dans le Coran et inconnue dans les du'a du prophète sallam et les du'a des plus prédécesseurs. يدل لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ولن تعبد. La preuve de cela, il y a le récit de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma dans le commentaire de la parole d'Allah dans le sens du verset. Et ils ont dit, ne délaissez pas vos idoles, vos divinités, et ne délaissez pas Wad, Suwa', Yahouf, Yahouf et Nassab. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, ce sont les noms d'hommes pieux et vertueux parmi le peuple de Noé, alayhi salam, lorsqu'ils sont morts, le diable a insufflé à certains de ce peuple qu'ils fabriquent des statues à leur effigie en mémoire de ces hommes et de les mettre là où ils avaient l'habitude de s'asseoir. Mais à ce moment-là, elles n'ont pas été adorées. Hatta idha tala bihim al-amad wa nusiya al-'ilm 'ubidat. Jusqu'à que le temps il est passé et que la science fut oubliée, et à ce moment-là, les gens sont arrivés à les adorer. Akhrajahu al-Bukhari. Ce récit d'Ibn Abbas, il est dans Sahih al-Bukhari. Wa yufhamu min hadha annahum heenama sawwaru lahum al-tamathil إنما فعلوا ذلك من أجل أن يقتدوا بهم ويتأثروا بأفعالهم إذا شاهدوا تماثيلهم. فلما تقادم العهد وذهب العلماء وانتشر الجهل ونسي العلم جاءهم الشيطان وزين لهم عبادتها وأوحى إليهم أن من كان قبلكم كانوا لها عابدين. Et il est compris de ce récit que lorsque ils ont fabriqué ces statues à l'image de ces hommes vertueux, ils l'ont fait pour qu'ils les prennent comme exemple et qu'ils suivent le chemin sur lequel ils étaient. Lorsqu'ils les voient, lorsqu'ils voient ces statues, ils se rappellent de ces hommes et ils se rappellent des actions de ces hommes, ils se rappellent de la piété de ces hommes. Mais lorsque le temps il est passé, les années passèrent, des générations passèrent, et que les savants sont partis, et que l'ignorance s'est propagée, et la science fut oubliée, à ce moment-là, Shaitan, il est de retour. Il revient, et il leur embellit l'adoration de ses statues. Et il leur a insufflé à ces gens que leurs ancêtres et leurs parents, en réalité, ils adoraient ces statues. وهذه المسميات التي كانت في عهد نوح عليه السلام وجدت بعينها عند العرب في الجاهلية قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. Et ces noms de statues, Ouad, Souah, Yahouth, Ya'ouq et Nasr, qui étaient à l'époque de Nour, alayhi salam, on les retrouve elles-mêmes chez les Arabes à l'époque pré-islamique, avant la prophétie et l'envoi de Muhammad, le messager, sallallahu alayhi wa sallam. وقد حذر الله تبارك وتعالى من الغلو. Et Allah, glorifié soit-il et élevé soit-il, il a mis en garde contre l'excès et l'exagération. وقال تعالى, et le Très-Haut a dit, يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم. Et Allah nous dit dans le sens du verset, ô vous les gens du livre, les chrétiens et les juifs, n'ayez pas d'excès dans votre religion. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رواه النسائي وابن ماجه وأحمد. Et dans ce hadith, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, attention et à l'excès, car ce qui a amené à la perte ceux d'avant vous, c'est l'excès et l'exagération. Rapporté par Al-Nasa'i, Ibn Majah et Ahmed, rahimahumullah. Les Arabes, depuis l'époque de Ismaïl, alayhi salam. Ismaïl, comme vous le savez, c'est le fils d'Ibrahim, alayhi salam. C'est son premier enfant qu'il a eu avec هاجر لا كوبت l'égyptienne alayhi salam. Puis lorsque il a eu Ismaïl, Allah tabaraka wa ta'ala lui révéla qu'il se doit de prendre cette femme et son enfant pour les déposer dans cette terre qui sera plus tard la ville de la Mecque. Et il partit et il les a déposés dans plein milieu du désert. Il n'y a rien, pas une trace de vie, même pas un oiseau en haut au ciel, rien du tout. Et elle demande ça, Allah qui t'a ordonné cela. Il fait signe que oui. Elle a dit donc, Allah nous sauvera. Il ne nous amènera pas à la perte. Et puis c'est Allah qui t'a demandé ça. Une confiance totale. Puis après, comme vous le savez, il y a l'eau de Zamzam qui surgit. Puis des tribus arabes qui arrivent du sud du Yémen s'installent. Parce qu'il y a de l'eau. Et donc ils s'installent. Et la vie, elle commence. Et Ismaïl, il grandit là. Et il se marie d'eux. Alayhi salam. Tayyib. Puis Ibrahim, alayhi salam, vient plus tard. Et avec Ismaïl, ils reprennent la construction de la Kaaba, parce qu'en dessous de la terre, du sable, il y avait encore les bases de la fondation. Parce que la Kaaba avait déjà été construite depuis l'époque de Adam, alayhi salam. Mais avec le déluge, à Tufan, à l'époque de Noé, elle a été ensevelie. Donc, ils construisent la Kaaba. Puis, il appelle les gens à venir en pèlerinage. Et depuis, il y a le pèlerinage. Et les Arabes, ils étaient sur la religion d'Ismaïl, la religion d'Ibrahim, alayhim as-salam, à la millati Ibrahim. Ils étaient monothéistes, de génération en génération. Sur terre, les gens, il y en a qui ont dévié, qui ont adoré les statues, qui ont décompé. Et eux, ils étaient épargnés. Jusqu'à qu'un homme parmi eux, et dont la tribu avait la direction de la Kaaba, il s'appelle comment ? Amr ibn Luhay al-Khuzai. La Kabila de Khuzai. Et cet homme, c'est lui qui a institué le voyage de l'été et le voyage de l'hiver. L'un vers le Yémen et l'autre vers Asham, pour le commerce. C'est là, c'est ces voyages dont il est allusion dans le Coran. L'ilaf al-Quraysh, ilafihi, rihlata, al-shita, wa-s-sayf. Allah les protégea pendant les voyages d'hiver et d'été. C'était pour le commerce. Ils en avaient un en hiver et un en été. Taïeb. Il est parti chez Shem et il a trouvé des statues. Ça lui a plu. Dans notre langage, oh, c'est pas mal ça. De lui-même, ça lui a plu. Hop, il en a pris quelques-uns et il les ramène avec lui à la mer. Et il les montre aux gens. Et il leur dit, voilà ce qu'ils en font là-bas. Et il les invoque. L'un pour telle raison, l'un l'autre pour telle raison, l'autre pour telle raison. Les gens, avec l'ignorance, et lui c'est le chef de la Mecque, ils ont accepté. Et en faisant cela, il a ramené le polythéisme à la guerre de l'Ida. Et le prophète dans un hadith, il parle de cet homme et du châtiment qu'il a dans le feu de l'enfer à la guerre de l'Ida. Et cet homme, tellement qu'il était mauvais, les démons parmi les djinns sont venus le voir. Et ils lui ont dit, on va te montrer où sont enfouies les statues de l'époque de Noah. Ils sont enfouis pas loin de la mer Rouge, à côté de Jeddah. Et il est parti et il les a sortis. Et il les a ramenés. Et les Arabes sont tombés dans l'ignorance et le polythéisme والعياذ بالله. Alors qu'à la base, ils étaient monothéistes. Jusqu'à quand Allah tabaraka wa ta'ala envoya son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam pour les faire sortir eux ainsi que tous les hommes et les djinns des ténèbres vers la lumière. Les ténèbres de l'ignorance, de la mécréance et du polythéisme vers la lumière qui est la science religieuse révélée, vers la lumière du monothéisme, de l'adoration d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, sans rien lui associer. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On n'a pas pu terminer l'ouvrage. Peut-être qu'à d'autres occasions, on pourra le terminer. Subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.